الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أما بعد, après cela, نقول سيدي أمير الأنبياء, maître émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, ورمال الصحراء, et au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, mes frères, mes sœurs en Islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. نبقى دائما في ميدان الأخلاق الإسلامية, on reste toujours dans le domaine de la morale islamique. تكلمنا عن النصيحة, nous avons parlé du bon conseil. تكلمنا عن عدم الشكوى للناس, nous avons parlé de ne pas, du fait de ne pas se plaindre de Dieu à ses créatures. تكلمنا عن عدم الغضب, nous avons parlé de ne pas s'emporter. وسأتكلم اليوم عن طبع سلب سلبي سيء, et aujourd'hui je vais parler d'un caractère négatif et très mauvais. يجب على كل مسلم الابتعاد منه, dont chaque musulman doit s'éloigner. وتطهير قلبه منه, et que chaque musulman doit purifier son cœur de ça. إنه الكبر, il s'agit de l'orgueil. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome, d'un grain d'orgueil. رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهم, rapporté par l'imam Muslim, l'imam At-Tirmidhi et d'autres. من في قلبه مثقال ذرة, celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil, min kibr, la yadkhulu al-jannah, n'entrera pas au paradis. Fattish fi qalbik, cherche dans ton cœur, akhi ukhti, frère ou sœur, wanzur hal tajid kibran, et regarde est-ce que tu trouves de l'orgueil. Fama baluk dharra la tadkhul ila al-jannah, un atome d'orgueil, tu n'entres pas au paradis. فَمَا بَالُكَ بِمَنْ فِي قَلْبِهِ كِلُوْغْرَامَاتٍ مِنَ الْكِبْرِ, que dire de celui qui a dans le cœur des kilogrammes d'orgueil. فَمَا بَالُكَ بِمَنْ فِي قَلْبِهِ أَطْمَانٍ مِنَ الْكِبْرِ, que dire de celui qui a dans le cœur des tonnes, et non pas des kilogrammes, des tonnes d'orgueil. الْمُتَكَبِّرِ لا يدخل الجنة, l'orgueilleux n'entrera pas au paradis. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, ألا أخبركم بأهل النار, voulez-vous que je vous informe des gens de l'enfer. كل عتل, العتل هو الغليظ الجافي, tout grossier, qui dit des grossièretés. جواظ, جواظ, جواظ هو البخيل. الجموع المنوع الذي يجمع ويمنع, tout avare, tout grossier, tout avare, مستكبر, et tout orgueilleux, متفق عليه, unanimement authentique. البخاري ومسلم, الغليظ, البخيل, المتكبر, لا يدخلون إلى الجنة, le grossier, l'avare, l'orgueilleux, ne verront pas le paradis, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-kibru مرض خطير من أمراض القلب. L'orgueil est une maladie dangereuse parmi les maladies des cœurs. أخي أختي frère sœur كلما رأيت متكبرا أو متكبرة. À chaque reprise que tu vois un orgueilleux, une orgueilleuse, فعلم بأنك أمام إنسان مريض. Sache que tu es devant un homme, une femme malade. عاد نحن نكره المتكبر. En principe, nous tous, on déteste l'orgueilleux. والأصل أن نرحمه. Mais en principe, on doit avoir pitié pour lui. لأن الجنة محرمة عليه. Parce que l'accès au paradis lui est interdit. لأن مصيره النار إن لم يتوب. Parce que sa demeure sera l'enfer sans repentir, dans le cas où il ne se repent pas. الأصل أن نسأل الله له الهداية والشفاء. En principe, on doit faire des prières en faveur de la personne orgueilleuse pour que Dieu lui accorde la guidance et la guérison de sa maladie grave. لأن المتكبر مريض. Parce que l'orgueilleux est malade. ومرضه أنه يحس بأن الناس لا قيمة لهم أمامه. Et sa maladie réside dans le fait qu'il ressent que les gens devant lui n'ont aucune importance. هو سيد الناس. C'est lui le maître des gens. هو أكرم الناس. C'est lui le plus noble parmi les gens. هو أعلم الناس. C'est lui le plus savant parmi les gens. والناس خدم له. Et les gens ne sont que des esclaves, des serviteurs pour lui. هو دائما على حق وصواب. Lui toujours a raison, il a droit. والناس دائما على خطأ. Et les gens ont toujours tort. المتكبر لا يقبل أن تعارضه. إذا وجدت إنسان يقبل يرفض معارضتك فاعلم أنك أمام متكبر مسكين مريض. L'orgueilleux ne supporte pas que tu t'opposes à lui, que tu dis quelque chose contraire à ses principes. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui n'accepte pas ton opposition, sache que tu es devant un orgueilleux. L'orgueilleux peut être une personne et peut être un état. لا يقبل أن تنصحه. Il n'accepte pas que tu lui présentes des bons conseils. لا يقبل أن تصححه. Il n'accepte pas que tu le corriges. هناك من يزداد مرض الكبر في قلبه إلى درجة. Il y a celui dont la maladie d'orgueil augmente dans son cœur jusqu'au point أنه لا يسلم على الناس. Qu'il ne salue même pas les gens. رغم أن السلام سنة. Malgré que commencer les gens, commencer les salutations envers les gens est une sunna. وهناك من المتكبرين من لا يرد السلام. Il y en a parmi les orgueilleux qui ne répondent même pas aux salutations. Toi tu le considères, tu lui dis salam alaykum, il fait semblant de ne rien entendre. رغم أن رد السلام واجب. Malgré que le fait de répondre à des salutations en islam est obligatoire. Commencer les salutations c'est sunna, mais répondre aux salutations est un devoir obligatoire. يعني أنك لا تساوي عنده شيئا. Ça veut dire que tu ne vaux rien chez lui. أنت أقل من حشرة. Toi tu es moins qu'un insecte par rapport à lui. وهو عظيم. Lui il est grand. هو عملاق. Lui il est géant. فلا يرد عليك السلام. C'est normal hein? Il ne va pas répondre à tes salutations. وأتساءل ما هي أول معصية. Et je m'interroge, quel est le premier ou la première désobéissance وقعت في السماء qui a eu lieu dans le ciel. ومن هو الذي قام بها. Et qui est celui qui l'a commis. الجواب, la réponse, أول معصية هي الكبر. Le premier péché fut l'orgueil. والذي قام بها هو إبليس. Et celui qui l'a commise s'appelle إبليس. كل الملائكة سجدت لأبينا آدم عليه السلام بأمر من الله. Tous les anges, sans exception, se sont prosternés devant notre père Adam, prière et salut sur lui, par ordre divin. تقول الآية لو فيرسي دي إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. سوف إبليس كي سو جوجا trop grand pour le faire, il appartenait aux mécréants. Kibru kana sababan fi kufri, son orgueil était une raison ou une cause de sa mécréance. Wa tardihi min rahmatillah, était une cause de son exclusion de la clémence de Dieu. Iblis qala lillah an Adam alayhi salam, Iblis le grand Satan, le père de tous les satans dans l'histoire, a dit à Dieu à propos de notre père Adam, prière et sa souris, ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Yani kifan sjedlou ana ahsan minhu, c'est-à-dire comment je me prosterne à cette créature Adam et je suis meilleur que lui. Kol man takabbara fil ard, toute personne qui va s'enorgueillir sur terre, inna makhtara ittiba' iblis, a choisi de suivre le chemin d'Iblis. Innama ja'ala min Iblis imaman lahu, cette personne orgueilleuse n'a fait d'Iblis qu'un imam pour lui. Fal mutakabbir yaqul mithla Iblis, l'orgueilleux dit exactement comme Iblis, ana khayrun minhum, je suis meilleur que tous. المتكبر يحتقر الناس, l'orgueilleux méprise les gens. يسخر من الناس, se moque des gens. قال تعالى للمؤمنين, Dieu a dit aux croyants qui ne sont pas orgueilleux, يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. Ô vous qui avez cru, que des gens n'en raillent pas d'autres, qui sait s'ils ne sont pas meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, peut-être sont-elles meilleures qu'elles. المصيبة أن المتكبر يسخر ممن هو دونه في ظنه. L'orgueilleux se moque, méprise celui qui est inférieur à lui selon son imagination et selon sa pensée. ولكن هذا الذي هو دونك, mais celui qui est inférieur à toi selon ta pensée, selon ton imagination, حسب زعمك, لأنه فقير, il est inférieur à toi parce qu'il est pauvre, ou daif, ou parce qu'il est faible, toi tu es fort, ou marid, ou parce qu'il est malade et toi tu es saint, il a akhiré, etc. ربما هذا الذي تتكبر عليه هو غدا يوم القيامة أفضل منك عند الله. Il se peut que celui, cette personne devant laquelle tu te montres orgueilleux parce qu'elle est faible, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est ignorante, peut-être le jour de la résurrection, il sera meilleur que toi auprès de Dieu. فَكَيْفَ تَسْخَرْ مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْكَ, comment peux-tu te moquer ou mépriser celui qui est meilleur que toi peut-être. Il s'agit là d'une folie. Il s'agit là d'une maladie. La ahada minna jami'an ya'rifu makanahu 'inda Allah. Personne de nous tous ne connaît son niveau auprès de Dieu. Fa kayfa tatakabbar 'ala an-nas wa yawm al-qiyama lam yasil ba'd. Comment peux-tu te montrer orgueilleux vis-à-vis des gens et le jour de la résurrection n'est pas arrivé encore. Al-mutakabbir لما يحس في قلبه أنه أحسن من الآخرين, l'orgueilleux lorsqu'il ressent intérieurement qu'il est meilleur aux autres, مباشرة يحبط عمله عند الله, automatiquement, tout de suite, une fois il ressent ça, son œuvre devient nulle auprès de Dieu. ويصير من أهل النار, et devient parmi les gens de l'enfer. فكيف تتكبر وأنت من أهل النار, comment tu peux te montrer orgueilleux vis-à-vis de tes frères ou tes sœurs, et tu fais partie des gens de l'enfer. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sa sœur lui dit, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. رواه مسلم وآخرون, rapporté par l'imam Muslim et d'autres. أخي أختي, frère, sœur, إياك ثم إياك, méfie-toi, après la méfiance, méfie-toi encore. لما تعجبك نفسك, lorsque tu es satisfait de toi-même, lorsqu'il y a une autosatisfaction qui t'habite. ويمفخ فيك الشيطان نفخته الشيطانية, et Satan souffle en toi son souffle satanique, et tu dis intérieurement, je suis mieux que celui-ci, je suis meilleur que lui, parce que par exemple, il est pauvre, parce qu'il est faible, parce qu'il est éprouvé, parce qu'il est ignorant, etc. Tu chutes devant l'œil de Dieu. Tu avais un niveau et tu chutes vers un niveau très très très bas. Et tu te fais sortir, expulser du paradis. Comme a fait Iblis, exactement comme l'a fait Iblis. Le musulman al-haqiqi, le vrai musulman, la yara li nafsihi fadlan ala ahad. Le vrai musulman ne reconnaît pour lui aucun mérite par rapport à aucune personne. Fa kullu ma indak min Allah. Mon frère ou ma sœur, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Il t'est venu de la part de Dieu pour t'éprouver et te voilà tomber dans le piège. Tu es devenu orgueilleux par quelque chose que tu ne possèdes pas. Anta la shay alak. Toi, tu n'as rien, mon frère ou ma sœur. Istahi min alladhi a'taak. Sois pudique face à celui qui t'a donné. Kun mutawadi'an. Sois modeste, sois humble. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, prière et salut sur lui. Sayyidul Khalq, la meilleure créature, wa Habibul Haqq, est le bien-aimé du Créateur, Imamul Rasul wal Anbiya, l'imam de tous les prophètes et les envoyés, Sahibul Shafa'a al Kubra ghadan yawm al Qiyamah, le possesseur de l'intercession, de la grande intercession, l'intercession majeure le jour de la résurrection. Et malgré tout cela, malgré tout cela, il était un sommet, pas dans l'orgueil, dans la modestie et l'humilité. Il n'était pas un orgueilleux. Il dormait sur la natte de paille, au lieu de dormir sur un lit, comme les autres. كان يمر اليوم واليومين وليس في بيته أكل حتى مات. Il se passait un jour, deux jours, et il n'y avait rien à manger chez lui jusqu'à sa mort. كان يمنع أصحابه أن يقوموا له. Il interdisait catégoriquement à ses compagnons qu'ils se levaient lorsqu'il arrivait. Il leur disait restez assis. واختار أن يكون عبدا رسولا. Et il a choisi d'être un esclave messager ou un serviteur messager au lieu d'être un prophète roi comme David ou comme Salomon. Et peut-être quelqu'un va s'interroger, ne m'est-il pas permis de ressentir que je suis meilleur que le désobéissant ou que le pervers, je suis meilleur que le pervers, ou que je suis meilleur que le non-musulman. Al-jawab, là, la réponse, non. La tansa madrik, n'oublie pas ton passé, ne regarde pas comment tu es maintenant, regarde comment tu étais. La tandur kaifa anta al-an, ondur kaifa kunta fil madi. Yaqulullah kadhalika kuntum min qablu. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Dieu dit, c'est ainsi que vous étiez auparavant, et Dieu vous a alors accordé sa grâce. لِأَنَّهُمْ يُمْكِنْ لَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا. Parce qu'il leur est possible de se repentir. Ces pervers, ces désobéissants, ces pécheurs, ces non-musulmans, un jour, peut-être, ils peuvent se repentir. وَرُبَّمَا يُصْبِحُوا أَحْسَنْ مِلْكَ مَا فِيَتَ شِحَجَا. Et ils peuvent devenir après mieux que toi, meilleur que toi. وَرُبَّمَا أَنْ تَتَصِرُوا مِنَ الْعُصَاتِ. Il se peut que par la suite, toi, tu vas devenir parmi les désobéissants, ou مِنَ الْفَاسِقِينَ, ou parmi les pervers, ou حَتَّى مِنَ الْكَافِرِينَ, ou même parmi les mécréants. إِنَّكَ لَا تَعْرِفُ نِهَايَتَكَ. Tu ne connais pas, mon frère ou ma sœur, ta propre fin. فَتَوَاضَعْ. Sois humble, s'il te plaît. تَوَاضَعْ مِنْ فَضْلِكَ. تخيل لو أن أحدا من الصحابة احتقر عمر رضي الله عنه في أيام كفره لما كان يشرب الخمر وكان يقتل ابنته حية. Imagine avec moi quelqu'un parmi les compagnons qui a méprisé ou qui s'est moqué de Omar lorsque Omar était dans sa jahiliya, n'était pas encore musulman, il buvait le vin et il tuait sa fille vivante. وانظر كيف أسلم عمر. Et regarde comment par la suite Omar est devenu musulman. وصار عملاق الإسلام. Et par la suite il est devenu un géant d'islam. وربما صار غيره أقزاما ربما ارتدوا. Et d'autres peut-être sont devenus des nains ou ils ont quitté même l'islam. قال لقمان الحكيم لابنه في الآية الكريمة. لقمان le sage ou لقمان le sage dit à son fils dans un verset coranique: ولا تصاعر خدك للناس. Ne sois pas d'un abord difficile, mot par mot, ne t'éloigne pas ta joue des gens. لا تمله كبرا وتعظما. Ne fais pas pencher ta joue vers les gens ou loin des gens par orgueil et grandeur. بمعنى ابتسم في وجه الناس, ça veut dire souris aux gens. Sallim alayhim, annonce les salutations aux gens. Rudd ala salamihim, réponds à leurs salutations. La tudir wajhaka amam an-nas, ne tourne pas ton visage lorsque tu vois les gens. Wa la tamshi fil ardi marahan, ne marche pas sur terre très content de toi-même. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Dieu n'aime certainement pas tout être plein de suffisance et de vantardise. An-nas lamma tafrah bi فَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ سَخِطَ عَلَيْكَ. Lorsque tu te montres joyeux de toi-même, heureux, satisfait, auto-satisfait de toi-même, sache que Dieu n'est pas satisfait de toi. الناس عادة لا تحب المتكبر. Par nature, les gens détestent l'orgueilleux. وَتَبْتَعِدْ عَنْهُ, et s'éloignent de lui. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيَةٍ كَرِيمَةٍ. Raison pour laquelle Dieu a dit à son prophète dans un verset coranique: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par l'effet de la grâce de Dieu que tu te montres doux à leur égard. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais un rustre au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de toi. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ. Pardonne-leur donc, prie pour leur absolution et consulte-les dans toute décision. Celui qui est humble, modeste, il demande l'avis des autres, il les consulte. Tandis que l'orgueilleux, il fait exactement comme Pharaon. C'est un Pharaon prime. Ana rabbukum al-a'la, je suis votre seigneur suprême. Wa yatakallamu Allahu ma'a al-mu'min fi ayatin karima, Dieu adresse la parole au croyant dans un verset coranique. Wa la tamshi fil ardi maraha, ne marche pas sur terre plein de suffisance. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula, tu ne perceras jamais le sol avec ta marche et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. Al-mutakabbir yuhis ka'annahu fawqa al-jibal. L'orgueilleux ressent qu'il est au-dessus d'une haute montagne. Et regarde les gens petits comme des fourmis. Et il oublie que les gens aussi le regardent comme une fourmi. L'orgueilleux ressemble à un tambour qui fait un grand bruit. Mais il est vide de l'intérieur. Pourquoi donc l'orgueil? Ton orgueil ne te donnera pas une puissance avec laquelle tu vas percer le sol ou avec laquelle tu vas atteindre la hauteur des montagnes. Tu vas atteindre la hauteur des montagnes. Ça t'abqa daiman dalika l'insan al-da'if. وخلق الإنسان ضعيفا. Tu resteras toujours l'homme faible, comme Dieu l'a dit, et l'homme a été créé faible. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. Amma ba'd, ibadallah, après ceci serviteur de Dieu. Les kul mutakabbir dafi' yadfa'u lil kibr. Chaque orgueilleux a un stimulateur ou un motif qui le pousse à l'orgueil. Fa iblis qala ana khayrun minhu. Iblis a dit je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa kharaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Ya iblis, la tansa bi anna al malaika khuliqat min nur ahsan min an nar. Ou iblis, n'oublie pas que les anges ont été créés à partir de la lumière qui est meilleure que le feu. Wa tawada'at wa sajadat. Et malgré cela, les anges se sont montrés humbles et se sont prosternés. Ya iblis, innaka lam takhliq nafsaka bi nafsik. Ou iblis, tu ne t'es pas auto-créé min nar, à partir du feu. وآدم لم يخلق نفسه من تراب. Adam n'a pas voulu être créé à partir d'argile. فلا تتكبر. Donc ne te montre pas orgueilleux. وهذا الكلام يقال لكل متكبر. Ce genre de paroles, on peut les répéter à toute personne orgueilleuse. فلماذا يتكبر الإنسان. Pourquoi l'homme se montre donc orgueilleux. هل هو مخلوق من ذهب والآخرين من تراب. Est-il créé à partir de l'or et les autres à partir de la terre. هل لا يموت. Ne meurt-il pas. هل لا يحتاج للأكل. N'a-t-il pas besoin à manger. هل لا يحتاج للتنفس. N'a-t-il pas besoin de respirer. هل لا يمرض. Ne tombe-t-il pas malade. إذا لماذا يتكبر مع كل هذا الضعف. Pourquoi se montre-t-il donc orgueilleux malgré toute cette faiblesse. Man takabbar falyatadhakkar annahu khuliqa min turab. Celui qui veut être orgueilleux, qu'il se rappelle qu'il a été créé à partir de la terre. Falyatadhakkar annahu khuliqa min ma'in mahin. Qu'il se rappelle qu'il a été créé à partir d'un liquide méprisable, mani de du sperme. فليتذكر انه خرج من مجرى البول مرتين. Qu'il se rappelle qu'il est passé par la canalisation, l'issue d'urine à deux reprises. من ابيه ومن امه. Une fois de son père, une autre de sa mère. فليتذكر انه بقي في مكان الدم تسعة اشهر. Qu'il se rappelle qu'il est resté dans le lieu du sang pendant 9 mois. من تكبر فليتذكر ماذا يخرج من بطنه في المرحاض. Celui qui veut être orgueilleux, qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il fait sortir ou qu'est-ce qui sort de lui dans les toilettes. يتذكر رائحة فمه في الصباح. Qu'il se rappelle de la mauvaise haleine qui se dégage de sa bouche le matin. يتذكر رائحة عرقه. Qu'il se rappelle de la mauvaise odeur de sa transpiration. يتذكر ماذا يخرج من أنفه. Qu'il se rappelle des choses qui sortent de son nez. كل متكبر له دافع. Chaque orgueilleux a un motif. إذا كان دافع المتكبر هو العلم. Si le motif est le savoir, نقول له وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On lui dit vous n'avez reçu de la science qu'un petit peu. بأنه فوق كل ذي علم عليم. Et au-dessus de chaque savant il y a un plus savantissime. إذا كان دافعه هو المال والغنى. Si son motif est les biens et la richesse, نقول له يا غني أطعم عباد الله في الدنيا يوما واحدا. On lui dit ô très riche, nourris les serviteurs de Dieu, les 6 milliards, un seul jour. إذا كان دافعه هو الشباب والقوة. Si son motif est la jeunesse et la force, نقول له الشباب سيصير شيخوخة والقوة ستصير ضعفا. On lui dit la jeunesse deviendra vieillesse et la force deviendra faiblesse. كيف تتكبر بما لا يدوم. Comment peux-tu être orgueilleux de quelque chose qui n'est pas durable. إذا كان دافعه الجمال نقول له الجمال سيصير تجاعيدا. Si son motif est la beauté, on lui dit la beauté deviendra des rides. لماذا تتكبر بما لا يدوم. Comment peux-tu être orgueilleux avec des choses non durables. الجمال سيأكله الدود في القبر. La beauté sera dévorée par les vers de la tombe. الجمال الحقيقي هو حسن الخلق. La belle beauté ou la vraie beauté est celle du comportement. كما قال سيد الجمال. Comme l'a dit le maître de la beauté. لا حسن كحسن الخلق. Nulle beauté n'est comme la beauté du comportement, du caractère. وقال له شديد الجمال. Et le très beau Dieu lui dit إنك وإنك لعلى خلق عظيم. Certes tu jouis d'une très haute moralité. وصاحب الخلق الحسن لن يتكبر على الناس أبدا. Celui qui a un bon caractère, jamais il ne se montrera orgueilleux vis-à-vis des autres. صاحب الخلق الحسن يحبه كل الناس. Celui qui a un bon comportement sera aimé par la totalité des gens. والمتكبر يكرهه كل الناس et l'orgueilleux est détesté par tout le monde. أخي أختي frère sœur جاء الوقت لتحارب نفسك. Le moment est bienvenu pour que tu combattes ta propre personne وتداوي قلبك من الكبر et que tu sois en ton cœur de l'orgueil. هل تعرف بأن الجنة محرمة على المتكبر؟ Sais-tu que le paradis est interdit à l'orgueilleux؟ فاختر إما كبرا وإما جنة. Choisis entre l'orgueil et le paradis. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل تعرف بأن الله لا يحب المتكبرين؟ Sais-tu que Dieu déteste les orgueilleux? قال تعالى, il dit, إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dieu n'aime certainement pas tout être plein de suffisance et de vantardise. إذا كنت تبحث عن حب الله, si tu cherches l'amour de Dieu, فكبرك سيبعدك عن الله, عن الله, ton orgueil t'éloignera de Dieu. وإذا كنت تريد الرفعة, et si tu cherches la hauteur, la meilleure place, wa darajat al-aliya, il est haut, il est haut niveau. Fa aqulu laka utruk al-kibr wa tawada' lillah. Je te dis, laisse l'orgueil de côté, montre-toi modeste et humble devant Dieu. Wa sayusiluka Allah lima turidu min 'izzin wa rif'ah. Et c'est Dieu lui-même qui va te mener vers l'honneur, la noblesse et la hauteur que tu cherches. قال صلى الله عليه وسلم, il dit, prière et sur lui, ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Toute personne qui se montre humble devant Dieu, Dieu l'élève vers le haut, rapporté par l'imam Muslim wa Tirmidhi. فَلَا تُحَاوِلْ أَنْ تَرْفَعَ نَفْسَكَ بِنَفْسِكَ. Donc mon frère ou ma sœur, ne cherche pas à t'élever par toi-même, وَبِكِبْرِكَ, et par ton orgueil, وَلَكِنْ أُطْرُكْ ذَلِكَ لِلَّهِ, mais laisse cela pour Dieu. وَفِي الْأَخِيرِ, et à la fin, أَقُولْ الْيَوْمِ, à la fin je dis, aujourd'hui, الْيَوْمِ, الجمعه الاولى من الشهر, c'est le premier vendredi du mois. وراينا اليوم بان المتكبر وبان البخيل لا يدخلان الى الجنه. Et nous avons vu aujourd'hui ensemble que l'orgueilleux et l'avare n'entreront pas au paradis. فلنحاول ان لا نكون بخلاء مع بيتنا مع مسجدنا الجميل. Qu'on essaie de ne pas être avare aujourd'hui devant notre belle maison qui est la mosquée. وأشكركم بالمناسبة على ما أعطيتم في الجمعة الماضية لصالح مدرسة نافع. Et je vous remercie à l'occasion de ce que vous avez donné vendredi dernier pour ou en faveur de l'école نافع. 3600 euros. فبارك الله فيكم. Que Dieu vous bénisse. ومرة أخرى لا تنسوا مسجدكم اليوم. Une autre fois, n'oubliez pas votre mosquée aujourd'hui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, نتوسل إليك اليوم, نسألك بأحسن الأسماء إليك اليوم. يا رب, أخرج الكبر من قلوبنا. يا رب, املأ قلوبنا بالتواضع لإخواننا ولأخواتنا ولكل خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, اجعلنا متواضعين أمامك, اجعلنا متواضعين أمامك. يا رب, لا تجعلنا من المتجبرين ولا تجعلنا من المتكبرين. يا رب, لا تجعل في قلوبنا مثقال ذرة من كبر. يا رب, لا تحرمنا على النار من أجل كبرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا والهادي لنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Merci.